France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique au Mangin Palace, épisode 182. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 6 décembre 2009, 11h06, bonjour à toi, l'ami. Alors, avant tout cette semaine, tu es conscient, bien sûr, que c'est aujourd'hui la Saint-Nicolas. Et cette année, il est venu lui-même faire son propre bilan. Mais a-t-il été sage ? Monsieur le Président, est-ce que c'était à vous de faire le bilan d'un plan que vous aviez présenté ? Oui, car ce n'est pas Nicolas le Président qui vous parle. Ce n'est pas Nicole Foufou, mais Nicolas le Sage, l'observateur distancié, Nicolas le Recul. Bon, les faits, s'il vous plaît. Alors, les faits sont simples. Les banques sauvées, l'économie sauvée, l'emploi sauvé, les baleines sauvées. Ah, les baleines aussi ? Bon, c'est tout comme. Je pars à Copenhague dans une semaine, ça va être réglé vite fait. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Ah si, le Mangin Palace te propose d'organiser ici un beau barnum burlesque consacré aux actualités manipulées par le prince du monde. Alors chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du jo d'Assaint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux audio-rama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office freudien, durant lequel nous croiserons ce matin une mairesse en train de cheminer, puis un petit ramoneur embusqué et un conseiller spécial en enfumage. Dans la foulée, nous poursuivrons aujourd'hui notre série de portraits politiques avec celui de Frédéric Lefebvre, le joyeux porte-parole de l'UMP, surnommé Pulp Fiction ou Poulpe Fiction. C'est selon. Ensuite, nous descendrons subrepticement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques ont été victimes jeudi dernier d'une effroyable chasse aux sorcières, une inquisition que nous ausculterons ici avec stupéfaction. Immédiatement après, direction Grosboule-les-Bains, où nous découvrirons comment Rémi, le fils de Monique et Jean-Claude, est devenu totalement accro à la drague sur les réseaux sociaux d'Internet. Et puis, nous enchaînerons bien sûr avec le curieux dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter. Et ce matin, nous t'offrirons la définition d'une étrange onomatopée « gzzz ». Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission tentée de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et salam alaikum au petit Suisse. Every single guy says I'm the apple of my eye. Tight, autrement dit tendu. C'est ce que clamait Stevie Wonder en 1965. Mais tendu, c'est aussi l'ambiance ces derniers jours dans les files d'attente pour se faire vacciner contre la grippe A. C'est sans doute l'adjuvant qui stresse tout le monde. Je suis votre chef de section. C'est moi qui suis chargé de faire votre instruction. Les grands, je les casse en deux. Les petits, je les allonge. Un conseil, ne jouez pas au plus con avec moi, vous n'êtes pas sûr de gagner. Bien, fuyons Fissa, l'adjudant-chef, et ouvrons plutôt ce 182e épisode du Mangin Palace afin d'amorcer ensemble nos modestes péripéties laïques et civiles, puisqu'il est l'heure de te vautrer confortablement pour profiter pleinement de notre petite session freudienne. Et ce matin, Monsieur Divan Beaujolais a les mains pleines de charbon, dis donc, puisqu'il a retiré du feu une mairesse en train de cheminer, puis un petit ramoneur embusqué et un conseiller spécial en enfumage. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Eurodéputé du Parti Populaire Européen et maire du 7e arrondissement... Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai été ministre pendant plus de 2 ans dans ce gouvernement et... Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, tout ce que je garderai, c'est la fierté d'avoir mené les réformes, mais également la modernisation de la justice. Je n'ai jamais entendu une chose aussi parfaitement stupide de ma vie. Ensuite, moi, j'ai voulu diversifier mon parcours politique. Et tu restes longtemps ? C'est une discussion que j'ai eue assez largement et très globalement avec le président de la République. Oui ou non, vas-tu t'en aller ? Aujourd'hui, je ne suis absolument pas malheureuse d'être députée européenne, bien au contraire. Est-ce que c'est pas drôle ? C'était en septembre 2008 à Toulon. Nicolas Sarkozy avait lancé son plan de soutien à l'investissement. 26 milliards d'euros pour faire face à la crise. Aujourd'hui, le chef de l'État était à La Seyne-sur-Mer, près de Toulon, pour dresser un bilan de ce plan. J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader, Zoltan. Zoltan ! On a cassé la spirale de la chute. Mais c'est fragile. Il y a un peu de feu sous la cendre, on commence à voir des braises, mais on n'a pas encore de flamme dans l'âtre. Je brûle de savoir la suite. Si nous tenons tous le discours de la restriction du crédit et de la rigueur, la chaleur qui est revenue dans le foyer va partir. Mieux encore, je veux que ce soit absolument clair. Et à ce moment-là, plus personne ne sera là pour contrôler les choses. Ce serait idiot. Non, vous n'avez rien compris du tout. Allez vous asseoir. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour Monsieur Demont. Tu es face à un grand mystère, mais tu ne dois pas craindre de l'affronter. C'est quoi votre boulot exactement, Henri Guénaud ? Mon boulot est un boulot de conseiller. Il y a pas que je m'en doutais. Mais de conseiller en quoi ? Mais de conseiller en tout, puisque je suis spécial. Vous l'avez remarqué ? Oui, c'est vrai. Oui, je comprends bien. Il sèche. Depuis 2 ans et demi, quel a été votre conseil le plus judicieux d'après vous prodigué au président de la République ? Oui, non, je répondais pas à la question du conseil le plus judicieux. Je comprends tout si on m'explique. Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi ? Mais parce que c'est une... Pardon, mais c'est une question absurde, donc je peux pas... Non, pourquoi ? Mais si, parce que c'est pas à moi à juger quel a été le conseil, j'en ai donné beaucoup, certains ont été écoutés, d'autres moins... Non, écoutez, à mon avis, il faut laisser tomber, hein, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Hein. Vous dites souvent que vous êtes républicain intégriste. Non, intégriste, c'est une... Alors, c'est une boutade. Ça va où, ça ? Quand le modèle républicain est tellement attaqué, c'est dans les années, bah justement. Dans les années passées, eh bien, on a envie de dire, moi, je suis un républicain intégriste, comme je suis un archéo-gaulliste, si on veut. Cet homme-là est un homme rompu à l'art de cacher les choses. Allez, il vaut mieux que tu t'en ailles. Virer de Twitter, la plateforme de microblogging, c'est la mésaventure dont le porte-parole de l'UMP, Frédéric Lefebvre, a été victime hier en fin de journée. Vous ne perdez pas de temps, vous, au moins. Le porte-parole de l'UMP qui a soutenu Hadopi bec et ongle fait l'objet d'un bizutage numérique en règle. Prenez-en de la graine, vous autres. Frédéric Lefebvre se replie donc sur sa base arrière, Facebook. C'est là qu'il explique à ses amis qu'il est victime de sa réussite. Trop d'amis en trop peu de temps, il a fait sauter la machine et a été bloqué, chacun sa version. Et tu crois que ta mise en scène va tromper quelqu'un ? Certes, mais sais-tu réellement qui est ce Frédéric Lefebvre, le porte-parole de l'UMP ? Eh bien, porté par le désir d'élargir notre spectre, nous avons désormais décidé de temps en temps de dresser ici le portrait des seconds couteaux de la sphère politique. Et ce matin, nous amorçons notre entreprise avec celui qui possède sans doute le plus grand nombre de sobriquets. Ainsi, Frédéric Lefebvre est surnommé tour à tour le Pitbull, mais aussi Pulp Fiction, et ce n'est pas tout. Dit Petit Marquis, dit Chérubin, dit Falbala, dit Belle Manière. Il est également connu dans certains milieux sous le sobriquet de Requiem, dit Bazooka, dit La Praline, dit Belle Châtaigne. C'est curieux comme les gens sont méchants. Oui, et c'est bien parce que les gens sont méchants que nous devons rétablir ici quelques vérités sur la vie du porte-parole de l'UMP. Né le 14 octobre 1963 à Neuilly-sur-Seine, Frédéric Lefebvre est responsable des jeunes RPR de Garches, lorsqu'il rencontre Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 1981. Très vite, notre Lascar grenouille dans les hautes instances du parti gaulliste et, en 1987, Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, décide de le faire entrer dans son cabinet où il devient chargé de mission auprès de Patrick Ollier. Cependant, pour s'assurer de la pertinence d'avoir associé ces deux jeunes loups, Chaban-Delmas convoque Frédéric Lefebvre, accompagné de ses parents. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non. D'accord, mais encore ? C'est très bien de vouloir le mettre avec quelqu'un. Mais à ce compte-là, il faut que ce soit quelqu'un de plus mûr que lui, qui lui apprenne les ficelles. Il faut lui trouver un meneur, un dur à cuire, quelqu'un qui ne cesse pas impressionner par les jérémiades. Nous, on n'a rien contre... Non. Enfin, il m'a pas l'air plus futé qu'un autre. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié ? Et qu'en cas d'urgence, c'était la seule corde à laquelle on pouvait vraiment se raccrocher ? Je sais pas, oui, c'est possible. Eh bien, moi, je m'en souviens. Oui, non, mais d'accord, mais attendez, moi, des fois, quand je vous parle, j'essaye de faire des phrases un peu. Voilà, mais là, c'est du concret. C'est vrai qu'en un sens, vous êtes deux jeunes gens. Deux cons ? Non. Deux chevaliers, peu expérimentés. Deux cons ? Peut-être, après. Non, mais c'est vrai, je sais pas, je connais pas assez. Il n'empêche que le jeune chevalier Frédéric Lefebvre parvient à se frayer un chemin dans la maison RPR et devient en 1993 le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, ministre du budget dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Seulement voilà, en 1995, après avoir trahi Chirac comme les autres, Frédéric Lefebvre est un peu paumé, d'autant que M. Sarkozy, son mentor désormais, ne ménage pas les lieutenants de sa garde rapprochée après cette débâcle électorale. Je voudrais pas vous faire de peine, les gars, ni vous vexer, mais faut vous faire une raison. Vous êtes fait pour être honnête. Honnête, ça fait mal, tu sais. Dis tout de suite qu'on est deux pauvres cons. En tout cas, je vais te dire une bonne chose. Dans la vie, les cons fidèles, eh bien, ça se compte sur les cinq doigts de la main. Exactement. Et avec un casque vierge, eh bien, les cons, ça peut toujours servir. Aide-nous à nous reconvertir. Oui, donne-nous l'occasion, parce que vraiment, nous, dans le bricolage, bon, ben, on perd un peu nos moyens. Perdez pas lourd. Tu le sais bien. Pour toi, on se mettra en quatre. À deux, vous m'emmerdez assez comme ça. Il y a des moments où je me demande si vous me méritez. Néanmoins, Frédéric Lefebvre conserve toute sa dévotion à Nicolas Sarkozy et décide même de lui prouver qu'il est capable de rebondir dans cette traversée du désert. Ainsi, avec deux associés, anciens attachés parlementaires de Christian Estrosi, Frédéric Lefebvre fonde un cabinet de conseil à Paris, enregistré à la Chambre de commerce sous le nom de Perroquet Institutionnel Communication, le PIC. Et c'est là, à l'aube des années 2000, que Frédéric Lefebvre s'offre sa véritable réputation dans le milieu. Au premier rang des animaux marins dangereux se placent naturellement les requins. Les requins jouissent d'une solide et déplorable notoriété. Ce sont les mangeurs d'hommes typiques, les tigres de la mer. On ne sait jamais ce qu'un requin va faire, ce qui est assez peu rassurant. Ce qui rassure, au contraire, Nicolas Sarkozy, qui rappelle immédiatement Frédéric Lefebvre auprès de lui en mai 2002, lorsqu'il devient ministre de l'Intérieur, puis ministre de l'Économie. Dans la foulée, M. Lefebvre intègre tout naturellement le staff de campagne pour l'élection présidentielle en 2007. Et attention, car c'est à partir de là qu'il se décomplexe totalement pour mettre au point sa légendaire marque de fabrique. Ainsi, en pleine campagne électorale, lors des petits déjeuners de l'UMP, Frédéric Lefebvre n'hésite plus à se lancer dans les démonstrations fumeuses dont il a le secret. Je vais casquer la note, vous casquez le pourliche. Allons-y, tout le monde crache un petit billet pour la serveuse. Le pourliche ? Ça non, j'y crois pas. T'y crois pas ? Pas au pourboire. Tu crois pas au pourboire ? Tu sais ce qu'elle gagne, ces filles, des clopinettes. Déconne pas, si elle gagne pas assez de pognon, qu'elle se barre. Attends que je pisse ce que tu dis. Tu dis que tu donnes jamais de pourliche ? J'en ai rien à branler que la société dise que ça se fait. D'accord pour donner un pourboire si on fait quelque chose qu'il mérite, si on m'offre un service en plus, je paierai un extra, mais le pourliche qu'on paye automatiquement, ça c'est bidon. Et puis d'ailleurs, ces pétasses, elles font juste leur job. Mais elle est gentille, celle-là. Ah ouais, elle est très bien, mais elle a rien fait de spécial. Mais c'est quoi le spécial ? C'est quand la fille te fait une turlute ? Tu te rends pas compte de ce que tu dis, mon pote. Ces pauvres filles se cassent le cul. Elles ont un sale travail. Pas plus que dans un McDonald's, mais là, elles ont aucun pourboire. Pourquoi ? Elles font le même boulot. Mais la société a dit, donne un pourliche à celle-ci, mais pas à celle-là. C'est de la pisse de chat. Eh oui, le franc-parler, bousculer les idées reçues, c'est là tout le talent de Frédéric Lefebvre. Du coup, pour remercier son porte-flingue, une fois élu président de la République, Nicolas Sarkozy désigne Frédéric Lefebvre comme suppléant d'André Santini pour les élections législatives de juin 2007. L'entente entre les deux hommes est, comment dire, amicale, et M. Lefebvre se confie facilement à M. Santini. Putain, le mec, il en met pas une dedans. À qui tu causes ? À moi-même. Je réfléchis tout haut. Tu fais du mal pour rien ? Je sais pas ce que j'ai, mais en ce moment, je me sens vanné. Comme si je m'étais fait têter les yeux par la racine. Putain, t'es pas un furet, toi. Ça, je vous le fais pas dire. Moi, je suis plutôt du genre félin. Un léopard. Je guette la proie. Je suis un chasseur. Moi, j'aurais pu faire carrière dans la CIA ou un truc du genre. Hein. L'élite, quoi. Il y a un type qui a dit que la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Ah bon ? Il a dit ça pour qui ? Pour les mecs fatigués. Bref, une fois élu, André Santini entre au gouvernement. Et ça tombe bien, dis donc, puisque désormais, M. Lefebvre se retrouve député. Député UMP, alors qu'André Santini, lui, était un élu du Nouveau Centre. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Oui, sauf que 2 ans plus tard, en avril dernier, André Santini est débarqué du gouvernement et il retrouve son poste à l'Assemblée nationale, comme le propose la nouvelle réforme constitutionnelle. Mais alors que faire de Frédéric Lefebvre ? Eh bien, pourquoi ne pas le faire entrer au gouvernement comme secrétaire d'État ? Non, parce qu'apparemment, aucun ministre n'a voulu de lui sous sa tutelle. C'est bizarre quand même. Du coup, on lui a trouvé un job qui lui va à merveille, porte-parole de l'UMP, la voix de son maître. Mais vous savez, moi, j'ai jamais eu peur des débats. Et je pense que la politique, il faut la faire sans tabou. Tais-toi ! Certains croient que je fais de l'humour, je n'en fais pas. Tu mens ! Il ment ! Mon rêve, vous savez, il a été que notre pays ait la chance d'avoir Nicolas Sarkozy comme président de la République. Et ce rêve, il a été exaucé. Et croyez-moi, je ne regrette pas d'avoir participé à ce que ce rêve se réalise. Ça, c'est intelligent, ça. Mais vous ferez votre chemin, vous. Assurément, Frédéric Lefebvre est totalement dévoué à Nicolas Sarkozy. D'autant que, selon ses propres mots, il vit dans un rêve désormais. Et c'est son droit. D'ailleurs, pour finir, sache que pour perpétuer ce monde merveilleux à ses yeux, MC Lefebvre redouble sans cesse d'ingéniosité afin d'entretenir la flamme à l'UMP. Vous avez aimé la version française de Yo Mama. Grand-mère, elle est tellement grosse qu'on calcule son tour de taille en années-lumière. Et ta mère, elle est tellement conne que pour s'acheter un magnétoscope, elle a vendu sa télé. Alors vous allez adorer les incroyables joutes verbales de l'UMP. Ton président, il est tellement intelligent que quand il te regarde, tu prends 10 points de QI. pas mal. Écoute ça. Ton président, il est tellement charismatique qu'à côté de lui, Obama, c'est Calogero. Oh, ton président, des battles de courtisans sans complexe où tous les coups sont permis. Ton président, il est tellement populaire que Nicolas Sarkozy est le prénom le plus donné aux bébés sur la planète. Oui, bah, ton président, il est tellement gentil qu'il pourrait faire le cinquième Teletubbies. Ton président, qui balancera la plus belle courbette. Ton président, c'est tellement un génie politique que si on applaudissait à chaque fois qu'il fait un truc historique, on aurait des moignons. Ok, pas mal, Luc. Prends ça. Ton président, il est tellement rayonnant, tellement brillant, qu'en restant 2 minutes à ses côtés, on bronze. If you say this is pop, to be singing to a tune with a rhythm like this, would it be so unpopular for a singer like me to be bringing up the fact that we're all gonna go? Some people swear, they say they know where. For me, it's a mystery. But whichever way you see it, you have to admit it and live it and live it. We all kick the bucket in the end All the girls kick the bucket in the end And the boys kick the bucket in the end Yep, we all kick the bucket in the end up my TV. It was numb in my brain to be thinking the same as a million other people. Oh, feeling afraid of the same thing, but there's nothing to lose. Cause we're all on a bike and we're cycling through, getting off on our injuries. But you gotta get back on it and live it to love it and live and love life. Cause we all keep the bucket in the end Girls, keep the bucket in the end And the boys, keep the bucket in the end, my friend Yep, we all keep the bucket in the end, the end, the end, the end This is not a sad song I don't bring it up to get you down It's a celebration Kick the bucket, autrement dit casser sa pipe, c'est ce que te propose Charlie Winston sur son dernier album. Surtout que c'est bientôt Noël. Petite pipe à Noël, c'est le cadeau essentiel. Le petit geste familier que tout homme n'est pas prêt d'oublier. Alors, maintenant que nous en savons un peu plus sur cet étrange animal politique qu'est le Frédéric Lefebvre, un bonhomme sans nuance et tout en finesse, il est temps d'ouvrir dès à présent notre curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, sache que cette semaine, les voix des fantômes de la radiodiffusion française ont été inifugées car le bruit courait dans les couloirs de l'INA que la chasse aux sorcières allait recommencer. Eh oui, tu n'es pas sans avoir remarqué qu'hier, le monde entier fêtait l'anniversaire de la bulle papale Sumis Desiderantes Affectibus, promulguée en 1484 par Innocent VIII pour lutter contre la sorcellerie. Alors, toujours planqué dans sa boîte d'archives, écoutons le récit de notre Bernard l'Ermite. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. qui demande la parole ? Cette semaine, Alina, nous étions ignifugés, car le bruit courait dans les couloirs que la chasse aux sorcières allait recommencer. Et jeudi soir, quand le grand inquisiteur est entré, avec sa bulle et son marteau, nous avons quand même tenté de l'amadouer. Mais votre hobby, votre raison de vivre, c'est la chasse aux sorcières. Mais dites-moi, pour fendre les sorcières en 1963, est-ce que c'est pas un peu anachronique, un peu dépassé ? Non, parce que aussi étrange que cela paraisse, l'humanité rétrograde au lieu d'avancer. Le monde est encore plus bête qu'il n'était il y a plusieurs siècles. Mais comment expliquez-vous cette crédulité grandissante des gens ? Ah, tout simplement parce que les gens ne croient plus en Dieu. Or, le fond de l'humanité est fait pour croire. Ils ont un besoin incoercible du mystique, du mystérieux, de l'inconnaissable. Et comme ils ne croient plus en Dieu, ils se dirigent vers la mystique de pacotille. Maleus Maleficarum ! Malheureusement pour lui, la première sorcière interrogée n'était pas aussi démoniaque qu'il l'aurait souhaité. Voudriez-vous nous faire voir comment vous pratiquez, s'il vous plaît ? Mais oui, je fais 3 petits tas de sel. Et sur chaque tas, je fais la croix. Et je dis, croix adorable, croix à laquelle mon Seigneur est mort, je vous adore. Notre-Dame du Sacré-Cœur, j'ai la foi, j'ai confiance en vous. Délivrez-nous des méchants, chassez les démons et les mauvais esprits. Les interrogatoires étaient si bien ficelés que les accusés avouaient vraiment n'importe quoi. Rapportant des confidences de sorcières qu'il a lui-même recueillies, le juge Henri Boguet écrit. Françoise Secrétin a dit que son démon se mettait tantôt en chien, tantôt en chat et tantôt en poule quand il la voulait connaître charnellement. Avec un tel succès, la chasse aux sorcières s'est déployée jusqu'à englober le monde entier. Selon un journal anglais, The People, l'URSS exporterait vers Hong Kong toute une gamme de filtres et de remèdes qui relèvent plus ou moins de la sorcellerie. Laissez-moi vous citer par exemple l'andouillé de cerf qui se mange bouilli. Le ginseng, la racine de vie, une plante qui aurait aussi la vertu de prolonger la virilité et d'accroître la longévité. Il y a aussi le baume de tigre, qui est censé guérir tous les maux, et que les soviets auraient rebaptisé baume de Chostakovsky. Voilà, quant à l'usage et au résultat de ces produits, permettez-moi de rester discret. Oui, de toute façon, je ne voulais pas que vous me donniez des précisions. Mais Jules Michelet en avait assez. Alors, par une nuit sans lune, il a évoqué la vieille fraternité des sorcières et des révoltes populaires qui mettrait fin à l'oppression. Sous une répression si aveugle, oser peu ou oser beaucoup, c'est risquer tout autant. L'audace croît par le danger même. La sorcière peut hasarder tout. Fraternité humaine, défi au ciel chrétien, culte dénaturé du dieu nature, c'est le sens de la messe noire. Mais aux danses durent se mêler des gaietés de vengeance, des farces satiriques, des moqueries et des caricatures du seigneur et du prêtre. Ce fut l'explosion d'une furie de génie qui monta l'impiété à la hauteur des colères populaires. De là, la messe noire et la jacquerie. À la fin de ce discours, l'inquisiteur avait été transformé en tisonnier. Et la libération des sorcières a enfin pu commencer. Vive la grève ! Ouais, oh, c'est génial. Pourquoi ? Tu sais, mais parce que l'autre jour, j'avais rendez-vous chez mon esthéticienne pour me faire épiler, tu sais. Oui. Bon, et puis bon, pas de bus, alors je tends le pouce comme ça. Hop ! Ni une ni deux, un camion s'arrête. Ouais ? Génial, hein ? Mais c'est super dangereux, tata. Non, pas du tout. Attends, on n'est pas dans le Far West, c'est un garçon charmant. Puis tu sais, maintenant, avec une nouvelle cabine dans les poids lourds, j'ai pu me doucher après. Génial. Oh non, tata. Il n'y avait pas de traces pour ton... Oh. Merci beaucoup, Flora Bernard, d'avoir contribué avec mansuétude à la libération des sorcières. Vous êtes vraiment très sabbatique. Mais rejoignons maintenant deux autres apprentis sorciers, puisqu'il est l'heure de nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, le Mangin Palace fonce direction Grosboule-les-Bains pour retrouver nos deux maîtres de l'Internet, évidemment Jean-Claude, le mégabit, et Monique, le chat. Et la panique va profiter de la famille que forment nos héros pour étudier les mœurs d'une espèce toujours pleine de surprises, l'adolescent. Car cette semaine, le jeune Rémi s'est fait remarquer. Lui qui passe ses nuits à discuter virtuellement avec ses potes de lycée, il est tombé sur une petite annonce. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Je t'ai pas trouvé sur la planète. Je te trouverai peut-être sur internet, qui sait. Tous les moyens sont bons pour trouver l'homme de sa vie. PS, l'adresse email, c'est jeunedemoiselleresherche@hotmail.fr. Si vous pouvez joindre deux photos, parce que une, on sait que c'est de la triche. Mais Rémi bondit et envoie immédiatement deux photos de lui, retouchées bien sûr, mais bon, quand il aura soulevé de la fonte, ce sera pareil. Et d'ailleurs, dans sa chambre d'ado, un lieu aussi saint que l'esplanade des mosquées, le Saint-Sépulcre et le mur des Lamentations réunis, enfin Jérusalem quoi, Rémi, accompagné de son pote Kevin, reçoit une réponse de la jeune demoiselle. Hé, hey, ramène-toi là, il y a une meuf de 16 ans, comment elle est à fond? Jure-le, pourquoi tu mens? Si, je te jure, pourquoi je te mentirais? Regarde, elle est à fond, depuis tout à l'heure je la chauffe et je la retingue. Demande-lui c'est quoi son contour de poitrine à la coquinette au moins. Ouais, c'est ça. Vas-y, écris. Est-ce que tu crois en l'amitié entre un mec et une meuf, mais sans la tentation sexuelle? Non, je ne crois pas en l'amitié entre un garçon et une fille, car je pense qu'il y a toujours un des deux qui a une attirance sexuelle pour l'autre. Vas-y, c'est bon, là, tu la serres, frère. Donne-lui un rendez-vous, donne-lui un RDV, là. Vas-y, là, tu vas la serrer, cette meuf, donne-lui un rencard. Vas-y, vas-y. Oh la bombe! C'est Menuka Belouki! Oh la bombelle, j'y crois pas! Je vais me taper une espèce de bombasse! Car je suis Joe, le roi de la bombasse! Je suis sûr qu'elle a mis un string de guerre! Le string de guerre! Le string de guerre! Le string! De guerre! Le string! De guerre! Le string de guerre! Ok, faut pas s'emballer, car avant d'emballer et de voir ce string de guerre, il va falloir réussir à séduire la donzelle. Et maintenant, pour Rémi, il est question d'être franc pour construire une relation sur des bases saines. Avant de se voir, il faut que je te dise un truc important. Je ne suis pas exactement comme je t'ai dit. Moi non plus, mais je veux bien te voir quand même et te montrer mes seins. Ouah, c'est chaud là! Comment sont-ils? On me surnomme la soupe populaire parce qu'il y en a plein à manger. Oh, la soupe populaire, merde, alors c'est Madame Duterre! Oh, le truc de ouf! Oh, putain, il croit pas, c'est elle! J'aurais bien aimé te voir demain, mais à 15h, je donne un cours, car je suis enseignant. C'est drôle, moi aussi, je suis enseignante en SVT. Sans blague! D'ailleurs, il faut que je te laisse pour préparer le contrôle de demain, et je n'ai pas encore décidé du sujet. Moi, je les interroge sur la reproduction du lichen en milieu tempéré. Yes! Merci pour le tuyau, garde la soupe au chaud pour la prochaine fois, Madame Duterre! Énorme! Rémi est donc en train de chatter avec sa prof de SVT. Bon, c'est vrai, pour séduire, il a arrangé son profil et il s'est quelque peu vieilli. Cependant, pas question de faire un remake de Mourir d'aimer. C'est un peu ce qu'explique à Rémi sa sœur Elsa. Je te signale que cette fille est amoureuse de toi. Tu t'en es pas rendu compte? Je l'ai pas menée en bateau. Je me suis toujours montrée courtois et de bonne humeur. Si tu n'éprouves pas les mêmes sentiments qu'elle, tu dois lui dire avant qu'elle n'en souffre. D'accord, je sais ce que je vais faire. Je vais la larguer comme on l'a jamais larguée. Toi, on peut dire que tu comprends vraiment les femmes. Les femmes, c'est facile. C'est la géographie qui est difficile. Oui, entre la géographie ou la SVT, il est certain que Rémi va vite devoir trancher. Lui qui avait tant rêvé d'une belle idylle, même virtuelle, le voici réduit à vivre le chagrin d'amour d'une histoire qui n'a même pas eu lieu. Qu'elle est compliquée, la vie d'un ado de nos jours. Et Rémi, seul dans sa chambre, crie sa rage contre les filles sur Internet. Faut pas leur en vouloir, ce ne sont que des filles. Et que bien trop souvent, elles oublient d'être gentilles. Les filles, c'est comme la mer, ça dépend de la lune. Ça va et ça revient, s'écraser sur la dune. Faire des châteaux de sable, de la poudre dans vos mains. Et donner l'illusion à qui prendra leur rein. Vaut mieux perdre la vie que perdre son amour. Mieux vaut mourir de mort que de mourir d'amour. D'autant que, face à la mine défaite de Rémi, et devant tous ces messages reçus, ses parents très intrigués et toujours suspicieux interviennent avec Jean-Claude en tête. J'ai attendu d'avoir 11 ans avant d'embrasser ma propre... Mais quel âge as-tu ? Oh, peu importe. Ce que je voulais dire, c'est que Nous vivions à une autre époque, c'est vrai. On était en pleine guerre. Qui est cette fille? Maman, pas la peine d'en faire toute une histoire. C'est exactement pour ça que j'ai rien dit, à cause de votre réaction. Et d'abord, c'est pas vos affaires. Ça ne regarde absolument personne. Inutile d'en faire toute une histoire. Voilà, c'est tout. S'il vous plaît, on arrête là et on n'en parle plus. On n'en parle plus? Vite dit pour Jean-Claude, à qui cette histoire rappelle que lui aussi, en son temps, avait connu les mêmes fulgurances. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sont voix qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra qu'elle trouve un rendez-vous. Message électrique. Quand elle m'électronique, je reçois sur mon écran tout son roman. On s'approche en multi et je la tire en duo. Après, ok, elle me code Marilou. Elle lui codait Marilou, se souvient Jean-Claude avec émotion et nostalgie. Alors, ce sacré larron de Jean-Claude, furtivement, récupère la session de son fiston afin de découvrir en loose day les réseaux sociaux d'Internet. Bon, faisons des recherches. Je veux un site où il y a des jambes, fesses, poitrine. Le site officiel de la boucherie Armand Cadieux, cette semaine en spécial, fesses de jambon, poitrine de dinde et jambes de porc. Merde. Soyons plus précis. Femmes à poil. Les nouveaux rasoirs Wilkinson pour femmes, fini les poils superflus sur vos jambes. Bon, je vais être plus explicite. Bon, j'espère qu'ils peuvent pas m'identifier à distance. Je veux dire que c'est pas pour moi, tiens. Jeune mineure, toute nue. Mais c'est pour mon oncle. La vérité toute nue sur mon oncle qui est mineur, mort au travail. Un ouvrage de Colette Bouchki. Voyons, il faut être clair sur ces putains de moteurs de rush. Femme sexy qui se montre les parties assises sur le visage d'un homme. Sexisme envers les femmes aux assises du parti. Voilà le vrai visage de l'homme. Suite de cet article dans La Politique et vous. Mais je veux pas de putain d'article de journal, je veux des photos de cul. Bon. Femme. Non, pas femme, ça marche pas ça. On efface. Alors, grosse salope. Chérie? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je navigue, chérie. Tu viens d'effacer quelque chose de façon précipitée. Bien. Alors maintenant, après les déboires de Jean-Claude sur la toile, le Mange un Palace te propose immédiatement de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans son dictionnaire imaginaire, le mot nouveau qu'a déniché pour nous M. Julien Dugast, c'est l'onomatopée gzzz. Car depuis 8 ans maintenant, un festival s'est lui aussi donné vocation de découvrir des nouveaux mots. Et le 25 novembre dernier, c'est au Havre que le jury, secondé par les internautes, a élu le mot de l'année, c'est « émeuse », qui a gagné devant « textoté » et « auto-magic ». Et au grand mot « les grands remèdes », ce vrai mâle de Julien Dugast est parti à la rencontre d'Éric Donfu, sociologue mais aussi fondateur et président de ce festival XYZ. Ainsi, découvrons ensemble, juste après la virgule, un festival de mots nouveaux. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Deux consonnes, une voyelle. XYZ. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas prononcer, c'est les trois petits points qui vont après XYZ. Ça veut dire qu'il y a une suite à l'alphabet à imaginer. Voilà, c'est ça. Qui va trouver la lettre qui va après Z ? C'est ça votre quête, finalement. Bah, la quête, c'est d'aller plus loin et de penser qu'une langue meurt quand elle ne se renouvelle pas. Un peu comme le disait Victor Hugo, d'ailleurs, un grand classique. Et de s'inscrire dans la tradition de tous les quenots, les bobiles à pointe, les devos, enfin, tous ceux qui ont joué avec le langage et qui continuent aujourd'hui à nous amuser avec leurs trouvailles. Les trouvailles, d'ailleurs, qui remontent à Rabelais. Vermouille, c'est un verbe très difficile à conjuguer. Hein, au présent, ça fait joie. Ah ben, si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Mais je pourrais préciser, Dieu, que ce que joie est triste. Le festival XYZ est né d'abord d'un hommage à Queneau qu'on avait fait au Havre, sa ville de naissance. Et le jeu, c'est d'élire chaque année un mot nouveau. dont la seule exigence, avec la seule exigence qu'il ne soit pas, qu'il soit dans aucun dictionnaire. Alors, on dit que l'Académie française s'appuie sur l'usage. Elle dit qu'un mot ne peut rentrer dans un dictionnaire qu'après usage. Nous, on s'en fout de l'usage, mais simplement, il rentre un peu dans notre dictionnaire à nous. Une langue, c'est une convention, on doit jouer avec, on doit s'en servir, il faut essayer de la connaître à l'orthographe. À cette époque-là, un analphabète créé tous les jours. Il ne fallait pas qu'ils croient que si je l'ai nominé, c'était que je voulais qu'il dégage. Au contraire, que je voulais vraiment justement que c'est lui qui rentre dans la maison vendredi et que ben, je voulais que c'est Jonathan qui partait. Trois ou quatre types dans un village étaient un peu doués. Ils arrivaient à créer une espèce de langage avec des expressions très particulières d'ailleurs à ce village qui petit à petit ont disparu. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. On n'en a plus besoin de ces expressions puisqu'il suffit d'aller à l'école, de sucer ce truc avec l'enseignement obligatoire pour avoir la langue. On a commencé par se faire électroniquer. Qui ne s'est pas fait électroniquer une fois dans sa vie ? Se faire avoir par électronique. Ensuite, c'était humanicide, c'est beaucoup plus grave. C'était un attentat aveugle contre des civils. On pensait que le terme terrorisme, attentat terroriste, était trop dans la logique du terroriste. Donc on a eu ce mot humanicide, qui fait référence à parricide, à génocide. Ensuite, il y a eu chaudard. Il y a plein de jeunes qui étaient là. Chaudard, ça veut dire, c'est plus que chaud, il y a du danger. Vous êtes linguiste, professeur à l'université Paris 5, l'illettrisme. C'est de cela dont nous allons parler dans cette émission. C'est de cela que nous allons parler. Utiliser à la fois de cela et dont est une faute de syntaxe par redondance, malheureusement trop souvent répandue dans les médias. Émeu, c'est le mot qui a été élu à la fois par les internautes et par les participants à la soirée de clôture qui s'est tenue au Havre le 25 novembre dernier. D'accord. Ça veut dire quoi, émeuse ? Alors, dans la définition de l'auteur, émeuse, c'est un terme qui se veut différent de l'aimante ou de l'amoureuse. C'est une femme capable d'aimer à sa façon, un peu comme Colette. J'ai testé toutes les langues, j'ai une faiblesse pour le français, c'est une langue merveilleuse. J'aime notamment les jurons français. Nom de Dieu, de putain, de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Vous voyez, c'est aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie, j'adore. Quel mot on peut du coup inventer avec ne lâcher rien ou un adjectif ? Pourquoi pas lâcher rien, tisme ? La seule chose, c'est que le suffixe tisme ne suffit pas non plus toujours pour qualifier un mot nouveau. Donc je pense qu'il faut vraiment vous lâcher pour trouver un nouveau mot. Alors quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot tic-tic-tic-tic. Pas l'animal aquatique nocturne ? Oui ! Bien. Voilà une certitude. La langue française est vivante, justement parce qu'apparaissent de nouveaux mots. Et elle vit aussi parce que disparaissent d'autres mots pour ensuite réapparaître. Et tout ça sans détailler les problèmes de définition. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir Eric. Bonsoir. Ce soir ensemble, mesdames et messieurs, nous allons essayer d'apprendre un mot. Ce mot est... Pilates style. Eric, philatélis, attends. Philatéliste, philatéliste. Pour expliquer philatéliste, Eric, pour cela, mettons-nous en situation. Venez ici, Eric. Qu'est-ce que vous faites ce soir après le boulot ? Avec ma femme, on aimerait vous inviter à dîner. On fête l'anniversaire de la mort du petit. Allez, venez. C'est gentil de m'inviter. Allez, on met ça au Queen. Et Dieu sait que je l'aimais bien, le petit, en plus. Oui, mais il en est mort, d'ailleurs. Mais je ne pourrais pas venir. Je joue contre Monica Céleste demain. Oh la vache ! Ouais, ça va, ça va. Il est donc philatéliste. C'est vrai. Moi, direct après le boulot, je fais de la tennis. Nous ne voyons pas d'autres explications. Dans un building de 20 étages, l'été comme l'hiver, tu travailles pour une société de 100 000 actionnaires. Ton nom ici n'existe pas, tu n'es qu'un numéro. Pour être sûr de te garder, on te donne ce qu'il faut, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi, tu ne vends pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Afin d'augmenter leur standing, un jour la société a fait construire près du building une belle cité. On est en qualité d'autorité, voici l'appartement. Pour le paiement, tout est réglé, on vous aidera 20 ans, rien n'est à toi. Pas un seul centime, t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non, tu ne vaux pas un seul centime, t'appartiens à la société anonyme. Pour les week-ends, on est gentil, on te prête une auto. Elle est graissée et 23 chevaux. Ta petite amie te voit de loin quand tu viens la chercher. Car sur les portes on lit très bien le nom de la société, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Après 30 ans d'un dur labeur courbé par l'ambition, si même tu finis directeur à monsieur au grand nom, que feras-tu quand t'arrivera le jour de l'addition? Lorsque les gens près de Saint-Pierre ensemble te diront, rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non, non, tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société. Rien n'est à toi, non, tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société. Société anonyme, c'est en 1966 que tout est dit avec Monsieur Eddy, qui vient d'annoncer vouloir faire sa dernière tournée. Mais qu'on se rassure, Eddy Mitchell ne sera jamais un anonyme et on est sûr qu'il retrouvera du boulot dans une grande société car il a tous les talents. Comment est-ce que tu sais qui il est ? J'ai des sources. J'ai un copain Tello, Eddy, il travaille dans l'informatique. Il branche les ordinateurs, programme les magnétoscopes, ce genre de conneries. Donc, il examine les fichiers pour trouver la signature numérique, ce qui indique sur quel PC on l'a créé. Un foutu jeu d'enfant pour aider. Alors maintenant, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Manchin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade ? Eh bien Philippe, cette semaine, la presse s'est fait l'écho des montagnes, puisque tous les journaux nous narraient la déferlante de l'esprit de clocher préféré, évidemment, à celui des minarets. Ouais. Tenez par exemple, le 29 novembre dernier, le quotidien mexicain La Ronada nous racontait le truculent marathon des confessions organisé par le cardinal Norberto Ribera, archevêque de Mexico. C'est une initiative hyper rentable pour nous autres, pauvres pêcheurs. Vous auriez dû y aller, Philippe. Oui, j'ai dû beaucoup donner, moi. Déjà. Oui, et bien écoutez, de 8h du matin à 9h du soir, les prêtres se sont relayés pour confesser à tour de bras et absoudre tous les péchés, même les plus graves. C'était merveilleux. Tout ça afin de préparer la période de l'Avent et la Noël. Un bon gros barnum catho qui a réuni tout de même près de 4000 fidèles dans la cathédrale métropolitaine de Mexico. Ah, tiens, Philippe, au passage, une remarque. La cathédrale de Mexico a été construite à l'emplacement d'un temple aztèque, celui du dieu Xipe, qui a donc été détruit. Comme ça, sans doute, une vieille histoire de clocher incompatible avec un minaret aztèque. Oui, Philippe, tout comme moi, vous avez évidemment ressenti cette petite odeur nauséabonde venue des alpages helvétiques. Ça puait. Très fort. Alors, écoutez, profitons-en. Il faut dire à tous nos auditeurs que nous, à La Panique, on est de tout cœur avec les Suisses, en tout cas avec les 43% qui n'ont pas sombré dans l'islamophobie crasse. Bon, puis de toute façon, Philippe, moi, vous me connaissez. Hein. Je suis d'un naturel optimiste et je ne peux m'empêcher de penser que parmi les 57% de Suisses qui refusent la construction de minarets dans la Confédération, il y a surtout des laïcars qui refuseront aussi la construction de tout nouveau clocher. Non, vous croyez pas ? Oui. Bon, surtout que le Vatican a réglé une partie du problème. Le site internet du magazine Famille Chrétienne nous rapporte la déclaration du 26 novembre dernier de Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical pour la culture. Et Gianfranco a annoncé que les églises sans valeur artistique et dépourvues de fidèles pourront être détruites ou vendues. Mais attention, il ne sera pas possible de les transformer en discothèque. Oh. Ben oui, c'est ballot, mais en fait, c'est ce qui s'était passé pour une église hongroise devenue un nightclub où le striptease se faisait là où se trouvait auparavant l'hôtel. Oh, pardon, excusez-moi Philippe, j'entends une remarque d'un auditeur qui vient de dire à côté de son transistor « prenez, ceci est mon corps ». Oh là là. Alors, non, il y en a un qui doit trembler de tout son corps en ce moment au Panthéon, une autre église désaffectée, c'est Voltaire. Et oui, le Canard Enchaîné cette semaine nous en apprend une bien bonne sur le château de Ferney-Voltaire, pas très loin de Genève, mais côté français, là où Voltaire s'était retiré après l'affaire du chevalier de la Barre, torturé, exécuté en 1766 et symbole de l'intolérance religieuse. Une intolérance valable pour toutes les religions, qui n'est pas de jaloux. Eh bien, à Ferney, le nouvel administrateur du château, nommé par le Centre des Monuments Nationaux, est un fou de Dieu, nous dit le Canard Enchaîné. Un ancien conférencier de la communauté des Béatitudes qui a été adoubé en mai 2008, chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre, un ordre voué à promouvoir l'esprit des croisades dans nos sociétés laïques. Ça fait peur, pauvre voilà. Voltaire. Bon, ça fait d'autant plus peur, Philippe, qu'on assiste en ce moment à la délectation des agités de l'identité chrétienne de l'Europe. Hein. Vous avez vu ça, il s'en donne à cœur joie. Et c'est surtout dingo, Philippe, on en arrive à vouloir défendre les minarets. Alors que non, merde, ce qu'on voudrait défendre, surtout, c'est la laïcité. Exactement. Eh oui, et pas plus que ça. Et puis de toute façon, moi je vous le dis tout net, ça ne sert à rien. Parce que je suis d'ailleurs complètement chamboulé depuis que j'ai lu cette information sur le site de la NBC Washington. Police shoot Jesus. La police a tué Jésus. Oui, dimanche dernier, un policier de Rockville dans la banlieue de Washington a été confronté à Jésus. Un Rottweiler Pitbull très énervé. Le policier a essayé de le calmer à grands coups de taser. Ça n'a pas marché. Alors, il a tiré 2 balles, ce qui, si je compte bien, fait 5 plus 2, 7 stigmates sur cette grosse bébête très méchante et très méfiante envers tout ce qu'elle ne connaît pas, assez haineuse pour tout ce qui vient d'ailleurs. Alors, Philippe, demain s'ouvre à Copenhague la conférence sur le climat. Parce que c'est vrai, hein, l'homme pourrit pas mal la Terre. Mais la semaine qui se termine, là, nous a prouvé qu'en Europe... Shakespeare a un bon coup pour le dire, ce n'est pas au royaume du Danemark qu'il y a quelque chose de pourri. Merci, monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 182e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux de la panique au Morgin Palace. Une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assister aujourd'hui à la technique de Philippe Duclos, merci beaucoup à lui. Et pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Bochelet et Elsa Denac. Pour les scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, ainsi qu'au formidable documentaliste de l'INA et à Aloïs Riard, notre stagiaire. Voilà pour toutes les informations supplémentaires. La panique au Morgin Palace possède un site internet savamment ripolliné sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon pour sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi à 11h pour la cellule de dégrisement, l'actualité culturelle à la sauce panique. Et dimanche prochain, toujours à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.